Au loin, quelqu'un l'appelait. Elle leva la tête. C'était Marius, accourant. Elle pensa qu'une visite l'attendait, et elle se dressa, mécontente d'être troublée. Mais le gamin arrivait à toutes jambes, et quand il fut assez près, il cria « Madame, c'est Madame la Baronne, qui est bien mal !» Elle sentit comme une goutte d'eau froide qui lui descendait le long du dos, et elle repartit à grands pas, la tête égarée. Elle aperçut, de loin, des gens, en tas, sous le platane. Elle s'élança, et le groupe s'étant ouvert, elle vit sa mère, étendue par terre, la tête soutenue par deux oreillers. La figure était toute noire, les yeux fermés, et sa poitrine, qui depuis 20 ans haletait, ne bougeait plus. La nourrice saisit l'enfant dans les bras et l'emporta. Jeanne, hagarde, demandait « Qu'est-il arrivé? Comment est-elle tombée? Qu'on aille chercher le médecin ?» Et, comme elle se retournait, elle aperçut le curé, prévenu on ne sait comment. Il offrit ses soins, s'empressa en relevant les manches de la soutane. Mais le vinaigre, l'eau de Cologne, les frictions demeurèrent inefficaces. « Il faudrait la dévêtir et la coucher, » dit le prêtre. Le fermier, Joseph Couillard, se trouvait là, ainsi que le père Simon et Ludivine. Aidés de l'abbé Picot, ils voulurent emporter la baronne. Mais, quand ils la soulevèrent, la tête s'abattit en arrière, et la robe qu'ils avaient saisie se déchirait, tant sa grosse personne était pesante et difficile à remuer. Alors, Jeanne se mit à crier d'horreur. On reposa par terre le corps énorme et mou. Il fallut prendre un fauteuil du salon, et, quand on l'eut assise dedans, on put enfin l'enlever. Pas à pas, ils gravirent le perron, puis l'escalier, et, parvenus dans la chambre, la déposèrent sur le lit. Comme la cuisinière n'en finissait pas d'enlever ses vêtements, la veuve Dentu se trouva là, juste à point, venue soudain, ainsi que le prêtre, comme s'ils avaient senti la mort, selon le mot du domestique. Joseph Couillard partit à franc étrier pour prévenir le docteur, et comme le prêtre se disposait à aller chercher les saintes huiles, la garde lui souffla dans l'oreille. « Ne vous dérangez point, monsieur le curé, je m'y connais, elle a passé. » Jeanne, affolée, implorait, ne savait que faire, que tenter, quel remède employer. Le curé, à tout hasard, prononça l'absolution. Pendant 2 heures, on attendit auprès du corps violet et sans vie. Tombée maintenant à genoux, Jeanne sanglotait, dévorée d'angoisse et de douleur.